إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue aujourd'hui la lecture de l'épître de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, dans lequel il a mentionné un certain nombre de préceptes parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, des gens de la période pré-islamique, au sujet desquels s'est opposé à eux le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, rahimahullah, المسألة السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Le 26e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait d'altérer sciemment le livre d'Allah après l'avoir compris. Ceci fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya, et plus précisément des juifs et des chrétiens, qui ont altéré les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, la Torah et l'Évangile. Et ils les ont altérés après les avoir compris. C'est-à-dire qu'ils ont appris ces livres, ils les ont reçus, ont compris ces livres, puis ensuite ils les ont altérés. Et ce, en y ajoutant des choses, ou en retirant certaines choses, ou encore en les expliquant d'une manière qui n'est pas juste et authentique. Pourquoi ils ont fait cela? Afin d'adapter les livres et la religion aux passions de leurs âmes. Étant donné qu'il y avait certains textes qu'ils ne pouvaient pas démentir ni rejeter, alors ils les ont altérés, de manière à en modifier le sens, afin d'atteindre un sens qui correspondait au désir de leurs âmes. Et ce précepte, il est encore présent aujourd'hui au sein de la communauté. Il est présent chez les gens des passions, parmi les différents groupes de l'égarement et de l'innovation. On trouve aujourd'hui certains parmi les gens qui, lorsqu'ils voient un texte qui s'oppose au désir de leurs âmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils altèrent ce texte. Ils expliquent de façon incorrecte, afin de le détourner de son sens réel. Et ceci, en réalité, c'est la voix des gens du livre, parmi ceux qui ont encouru la colère d'Allah et des égarés, les juifs et les chrétiens, qui ont altéré les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une voie très dangereuse de laquelle le musulman doit prendre garde. Il est obligatoire pour le musulman de se soumettre pleinement au texte du Coran et de la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même si cela s'oppose au désir de ton âme. Et ces textes, les textes du Coran et de la sunna, il est obligatoire pour nous de les comprendre d'une compréhension authentique. Et cette compréhension authentique, quelle est-elle? La compréhension authentique, c'est la compréhension des pieux prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum. Et ceci est une précision importante. Car aujourd'hui, il y a des gens qui, dans le but d'adapter leur religion au désir de leurs âmes, ils vont tenter d'imposer un regard nouveau sur les textes du Coran et de la Sunna. Comme on l'entend de certaines personnes qui prétendent faire un tafsir contemporain du Coran, une interprétation contemporaine, un nouveau regard sur le Coran, ou encore, comme ils disent, une nouvelle lecture. Et tout ceci dans le but d'altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adapter à leur passion et au désir de leurs âmes, incitatrices au mal, Allahul Musta'an. Il est donc obligatoire pour nous de prendre garde à cette catégorie de personnes. Et nous devons avoir la certitude que la compréhension authentique des textes du Coran et de la Sunna, c'est la compréhension de nos pieux prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum. Et certes, l'imam Malik, rahimahullah, a dit vrai lorsqu'il a dit « Rien ne pourra réformer les dernières générations de cette communauté si ce n'est ce qui en a réformé les premières. Et ce qui n'était pas religion à l'époque ne peut pas être religion aujourd'hui. » Ceci est une règle importante que nous a expliqué l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ce qui n'était pas religion à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, cela ne peut pas être religion aujourd'hui. Et ceci nous démontre la fausseté et la déviance de la voix de ceux qui appellent à porter un regard nouveau sur les textes de la religion, les textes du Coran et de la Sunna. Et il y a une autre catégorie de personnes desquelles il faut prendre garde également. Ce sont ceux qui rejettent certaines règles de la religion lorsqu'elles s'opposent à leur passion, en déclarant faibles des hadiths authentiques. Et ce, par suivi des passions ou en faisant prédominer leur raison sur les règles établies par les savants du hadith. Et ceci est présent aujourd'hui. Il y a des gens, dès qu'ils voient qu'un hadith n'est pas entre guillemets en leur faveur, qu'il ne correspond pas à la fausseté qu'ils veulent soutenir, ou à l'égarement auquel ils les appellent, qui démontre la déviance de la voie qu'ils ont empruntée à laquelle ils invitent les gens, alors ils vont te dire, non mais ce hadith il est faible. Oui, il est dans Bukhari et Muslim, mais il est faible en réalité. Car ce n'est pas possible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu dire cela. Ils rejettent les hadiths avec leur raison et par suivi des passions. Et ceci est présent chez certains pseudo-prédicateurs francophones qui sont malheureusement beaucoup écoutés aujourd'hui à travers les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube ou autres. Donc si tu vois une personne qui a emprunté cette voie, qui rejette des hadiths authentiques sous prétexte qu'ils ne correspondent pas à sa raison, ou sous prétexte qu'ils s'opposent à ses passions, sans revenir aux règles établies par les savants du hadith, permettant de déclarer un hadith faible ou authentique, alors prends garde à cette personne, et sache qu'elle t'appelle à une voie contraire à la voie authentique qui est la voie des gens de la sunna. Certains ont même été plus loin encore, au point de rejeter toute la sunna wal iyadu billah. Et il te dit on ne doit pas tenir compte de ce qui est venu dans la sunna. Et ceci est la conséquence du suivi des passions et du fait de ne pas se soumettre aux textes religieux, les textes du Coran, mais aussi les textes de la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné dans son livre de lui obéir. Il nous a ordonné aussi d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans les hadiths authentiques, celui qui m'obéit a obéi à Allah, et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Dans un autre hadith, il nous annonce la bonne nouvelle que toute sa communauté entrera au paradis. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, l'ont interrogé à ce sujet. Mais qui refuse au messager d'Allah? Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit a certes refusé. C'est-à-dire que sa désobéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une forme de refus d'entrer au paradis. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Donc pour revenir au sujet, il y a certaines personnes, lorsqu'ils écoutent un texte authentique, un texte du Coran, un texte de la Sunna authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui vient par exemple interdire une chose qu'ils désirent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont interpréter ce texte. Ils vont lui donner une explication erronée. À titre d'exemple, si tu dis à certaines personnes, Al-riba, l'usure, c'est interdit. Son interdiction est venue très clairement dans les textes du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire oui. C'est interdit, mais ce qui est visé par le riba, ce n'est pas ce que tu penses. Ce qui est visé par le riba, c'est ceci ou cela. Et il va te dire ce que l'on fait aujourd'hui, comme les intérêts bancaires, ou telle transaction interdite, au sujet desquelles les savants ont démontré que elles rentrent dans l'usure interdite par les textes du Coran et de la Sunna, et vont te dire ceci n'est pas concerné. Ceci n'est pas du riba. Ce n'est pas ça qui est visé par l'interdiction. Et ceci est présent aujourd'hui. Il y a même des gens qui écrivent des livres pour cela, et d'autres qui font des fatwas, qui émettent des avis juridiques, prétextant que telle ou telle chose faisant partie du riba ne sont en réalité pas concernées par les textes. Et ils altèrent ainsi les textes du Coran et de la Sunna en les interprétant d'une manière qui correspond à leur passion. Et ils font cela aussi avec d'autres interdits. Tout ce dont l'interdiction ne correspond pas à leur passion, alors ils vont interpréter ces textes et leur donner un sens erroné. De la même manière, on fait nombre de groupes parmi les gens de l'innovation au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont interprété les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ont expliqués d'une manière erronée, contraire au sens clair et authentique qui est venu dans les textes. Donc cette voie, c'est une voie très dangereuse et elle fait partie des voies des gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, desquels il est obligatoire pour le musulman de s'écarter et de ne pas l'emprunter. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, Al-mas'alatu as-sabi'atu wal-'ishrun. تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله تعالى. Le 27e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait d'écrire des livres faux et de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. كَقَوْلِهِ, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans sa parole, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Malheur à ceux qui écrivent un livre de leurs propres mains, puis disent, ceci vient d'Allah. Ce précepte, c'est un précepte sur lequel étaient les juifs. Ils écrivaient des livres, ils les écrivaient de leurs propres mains, et ils mettaient dans ces livres des faussetés. Puis ils disaient, ceci provient d'Allah. Et ils faisaient cela dans le but d'obtenir une compensation de la part des gens, ou alors, ils vendaient ces livres dans les marchés afin de gagner de l'argent. Ils attribuaient donc la fausseté qu'ils avaient écrite de leurs mains à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'écrire des livres remplis de fausseté, en attribuant cela à la religion, et propager ces livres parmi les gens, cela fait partie de la voie des juifs et de ceux qui se sont assimilés à eux au sein de cette communauté. Car ceci est encore présent aujourd'hui. Il y a des gens qui écrivent des livres au nom de l'islam et qui remplissent ces livres de fausseté. Ou alors il y a des gens qui écrivent sur internet, qui ouvrent des sites ou des comptes sur les réseaux sociaux et qui parlent au nom de l'islam et attribuent des faussetés à cette noble religion. Donc le musulman, il doit être attentif à cela. Et c'est pour cela qu'il ne convient pas que tu lises tout livre qui est vendu dans les mektabas, ou tout livre présent dans les mosquées, ou encore toute chose diffusée sur Internet. Ce n'est pas parce qu'une chose est présentée comme faisant partie de la religion que cela est forcément le cas. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle au nom de l'islam qu'il dit forcément la vérité. Et de la même manière, ce n'est pas parce que quelqu'un parle au nom de la sunna ou au nom de la salafia que ce qu'il te dit est forcément conforme à la sunna ou à la salafia. Donc le musulman, il doit être attentif à cela. Et tu ne dois lire et n'écouter que d'une personne que tu as connue pour sa science et sa piété, et sa bonne croyance et sa bonne méthodologie. Ceci est impératif. Et ce, car cette personne, sa science et sa piété, ainsi que sa crainte d'Allah, vont le pousser à n'écrire et à ne diffuser que ce qui est conforme au texte du livre et de la sunna. Et ce, car il a conscience qu'il sera interrogé sur chaque lettre qu'il écrit. Donc il n'écrit que ce qui est conforme au Coran et à la sunna. Il ne diffuse que ce qui est conforme au Coran et à la sunna. Il n'écrit pas des choses de sa tête. Il n'écrit pas des choses suivant ses passions ou sa raison. Mais il écrit en conformité avec les textes du Coran et de la sunna. Ceci est celui qu'il convient de suivre, de qui il convient de lire les livres, de lire les écrits ou d'écouter les audios. Quant à celui qui écrit des choses provenant de sa tête ou de ses passions, puis que te dit, ceci est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie de l'islam, ceci est la législation, ceci est la sunna, et il parle de sa tête. Il ne se base pas sur les textes du Coran et de la sunna. Comme le font nombreux parmi les gens des passions qui ont emprunté la voie des gens de la jahiliya wa l'ayyadu billah. Et aujourd'hui, ce genre de livres, ce genre d'écrits, ce genre de fatwa erronés, remplis de fausseté, ils sont très nombreux à être propagés au nom de l'islam. Nombreux sont ceux qui écrivent des choses au nom de l'islam et attribuent leur fausseté à cette noble religion. Nombreux également sont ceux qui écrivent ou parlent au nom de la sunna et attribuent leur déviance et leur fausseté à la voix des gens de la sunna, Wallahu al-musta'an. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour chacun d'entre nous de ne lire et de n'écouter que d'une personne dont tu t'es assuré qu'il est bien sur la voie juste et authentique, qu'il est bien sur la voie des gens de la sunna et du groupe. Tu ne dois pas tendre ton oreille à toute personne qui parle, et tes yeux ne doivent pas se poser sur toute chose qui est écrite dans les livres ou diffusée sur Internet. Mais tu dois te renseigner. Tu ne dois pas être négligent à ce sujet. Aujourd'hui, il suffit qu'une personne ouvre un compte sur les réseaux sociaux et qu'il écrive salafi, ou rappel islam, ou hadith et sunna, ou autre, et puis les gens vont s'abonner, le suivre, et se mettre à lire ce qu'il propage. Est-ce que ceci est la voie sur laquelle étaient nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala? Est-ce que ceci est la voie à laquelle nous appellent les savants de l'islam? De suivre et de lire de n'importe qui? De suivre et de lire des choses diffusées par des inconnus? Des gens dont on ignore l'identité, et dont on ignore Le parcours religieux, le niveau de science. Est-ce que cette personne a les aptitudes nécessaires pour parler au nom de l'islam ou pour parler au nom de la sunna? Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Nombreux sont ceux qui s'égarent. À cause de quoi? À cause du laxisme à ce sujet. Ils ne prennent pas la chose au sérieux. Ils se disent, Alhamdulillah, je connais l'islam, je connais la sunna. De toute façon, j'ai vu que ce qu'ils propagent, c'est les paroles des savants. J'ai vu Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen. Alhamdulillah, ça a l'air d'être bien. Mais qui te dit premièrement que cette personne est digne de confiance pour transmettre les paroles des savants? Ensuite, qui te dit que cette personne ne va pas altérer les paroles des savants? Et ensuite, qui te dit que cette personne ne va pas mêler à cela certaines faussetés afin d'égarer les gens? C'est pour cela que le musulman, il doit être sur ses gardes et ne pas prendre la religion de toute personne qui se met en avant ou qui ouvre un compte ou qui ouvre une chaîne YouTube ou autre. Mais il doit se renseigner. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Ceci est une parole qui est propagée, qui est répandue parmi les gens, mais malheureusement, peu sont ceux qui la mettent réellement en pratique. Nombreux sont ceux qui disent, moi je ne prends pas ma religion d'inconnu. Puis, tu regardes son compte Twitter, à qui il est abonné? Ah, il est abonné à 150 ou 200 comptes. Est-ce que tu connais toute cette personne à qui tu étais abonné? Est-ce que tous ces gens qui parlent au nom de l'islam, tu t'es assuré de savoir, premièrement, s'ils sont sur la voie authentique, et deuxièmement, s'ils ont les aptitudes nécessaires pour parler au nom de la religion? Donc j'attire votre attention sur ce point, car c'est un point très important, et le laxisme à ce sujet, bien malheureusement, a été la cause de la déviance de nombreux parmi nos frères et sœurs, qui se sont mis à lire les paroles diffusées par des inconnus. Des paroles diffusées par des ignorants parlant au nom de l'islam, des paroles diffusées par des ignorants parlant au nom de la sunna, et des paroles diffusées par des gens cachés derrière des pseudonymes dont on ignore même l'identité. Donc prenez garde à cela, afin de ne pas tomber dans des déviances et des égarements, et de délaisser peu à peu la voix des gens de la sunna, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous raffermir sur cette religion, et ce, jusqu'au jour de sa rencontre. Donc en résumé, en ce qui concerne ce point, le fait d'écrire des livres remplis de fausseté et de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie de la voie des gens de la jahiliya. Il est obligatoire pour nous de nous écarter de cela. Et à partir du moment où on sait que ceci est encore présent aujourd'hui au sein de ceux affiliés à la religion de l'islam, alors il est obligatoire pour nous de prendre garde et d'être attentif à ce que l'on lit et à ce que l'on écoute. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: Al-mas'alatu thaminatu wal-ishrun, annahum la yaqbaluna min al-haqq illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Le 28e précepte, parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est le fait qu'ils n'acceptaient de la vérité que ce qui était avec leur groupe. Il dit rahimahullah ka qawlihi, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qalu nu'minu bima unzila alayna. Ils dirent: nous croyons en ce qui nous a été révélé. Ce précepte, il est également important de le comprendre. Lorsqu'il a été dit aux Juifs, croyez en ce qu'Allah a révélé, c'est-à-dire croyez en ce qu'Allah a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont répondu, nu'minu bima unzila alayna. Nous croyons en ce qui nous a été révélé, c'est-à-dire à Moussa alayhi salam. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Et ils rejettent le reste, c'est-à-dire ils rejettent l'évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam, il rejette le Coran qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum. Alors que c'est la vérité confirmant ce qu'il y a avec eux. Donc les Juifs, ils prétendaient ne suivre que ce qui leur avait été révélé. Et en réalité, ils ne le suivaient même pas, comme on va le voir dans le précepte suivant, et on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ce précepte et à cette ambiguïté. Mais en résumé, ce qu'il est important pour nous de comprendre ici, c'est qu'il faisait partie des préceptes des gens de la jahiliya de ne pas accepter la vérité si elle venait d'autre qu'eux. Et entre dans cela ce qui est présent aujourd'hui chez certains parmi les musulmans, parmi ceux qui se fanatisent pour certains imams ou pour certains savants ou mashayikh, comme ceux qui disent « Je n'accepte aucune parole et je ne suis personne si ce n'est un tel parmi les savants. » Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un égarement évident. Ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est d'accepter la vérité sans se fanatiser pour un imam ou pour un savant, ou pour un enseignant ou un cheikh. Et ceci est présent aujourd'hui chez qui? À titre d'exemple, chez les mashaykhs des confréries soufis. Tu vois leurs mourides et leurs suiveurs n'accepter que ce que prononcent leurs mashaykhs. Et ceci est une voie déviante qui est très dangereuse et qui mène à l'égarement évident. Et ce car il n'est obligatoire de suivre de manière absolue aucune personne parmi les créatures si ce n'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que le fait de croire qu'il est obligatoire de suivre une personne de façon absolue, autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, ceci relève de la mécréance et de l'apostasie. Comme l'a stipulé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et ce car la personne qui prétend cela, elle a en réalité rendu cet individu égal au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc personne qu'il nous incombe de suivre en dehors du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à autre que lui, parmi les imams ou parmi les savants, alors nous les suivons dans ce sur quoi ils sont en accord avec la vérité, avec les textes du Coran et les textes de la Sunna. Quant à leurs erreurs et les questions sur lesquelles ils ont pu se tromper ou s'opposer à certains textes pour diverses raisons, comme le fait qu'un hadith ne leur soit pas parvenu, ou autre parmi les raisons mentionnées par les gens de science. Alors dans ce cas-là, leurs erreurs, il est interdit pour nous de les accepter et de les suivre dans celles-ci. Même si l'auteur de cette parole ou de cette erreur fait partie des grands imams ou des grands savants, ou qu'on dit de lui qu'il est le plus grand savant de tel ou tel endroit, s'il se trompe, il est obligatoire pour nous de rejeter son erreur. Et il n'est pas permis de le suivre dans celle-ci. Donc en résumé, concernant ce point, il est obligatoire pour le musulman d'accepter la vérité qui est venue dans les textes du Coran et de la Sunna. Il n'est pas permis de dire « je ne l'accepte pas car elle n'a pas été prononcée par un tel ou un tel parmi les savants. » Ou comme certaines personnes le disent « oui mais tel savant ne nous a pas dit de faire cela, alors moi je ne le fais pas. » Ce qu'il t'incombe mon frère, c'est de suivre la vérité. Même si elle n'a pas été mentionnée par tel ou tel savant, à partir du moment où cette chose est conforme au texte du Coran, au texte de la Sunna, à la voix des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, alors il est obligatoire pour toi de l'accepter. Même si ceci n'a pas été soutenu par un tel parmi les savants, aussi éminent soit son rang, aussi grande soit sa notoriété. Ce qui nous incombe à nous, c'est de suivre la vérité, de suivre le Coran et la Sunna, de suivre la voix des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Donc on ne doit pas rejeter la vérité sous prétexte qu'un tel parmi les savants ne l'a pas dit. On n'a pas soutenu cela. Ceci fait partie de la voix des gens de la Jahiliya, et notamment la voix des Juifs qui prétendaient ne suivre que ce qui leur avait été révélé. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il a mentionné un précepte qui vient en complément de celui-ci. Il dit le 29e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya. C'est que malgré cela, malgré qu'ils prétendent n'accepter que la vérité qui est avec leur groupe, en réalité, ils ne mettent pas en pratique ce que soutient leur groupe. Il dit ensuite, rahimahullah, kama nabbaha Allah subhanahu wa ta'ala alayhi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a attiré l'attention sur cela, et ce dans sa parole, قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dis, pourquoi donc avez-vous auparavant tué des prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Donc comme on a dit, les Juifs, ils ont prétendu suivre seulement ce qui leur a été révélé, c'est-à-dire la Torah, qui a été révélée à Moussa, alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, en leur disant que s'ils suivaient réellement ce qui a été révélé à Moussa, alayhi salam, alors pourquoi avez-vous tué les prophètes? En effet, les Juifs, ils ont tué Zakaria, ils ont tué Yahya, ils ont voulu tuer Isa, alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé et l'a élevé vers lui. Ils ont aussi voulu tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc leur ambition c'était quoi? De tuer les prophètes alayhimus salatu wa salam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 87 de sourate Al-Baqarah. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vient à vous avec des vérités s'opposant à ce que vos âmes désirent, vous vous enflez d'orgueil, alors vous démentez les uns et vous tuez les autres. Les Juifs, lorsqu'un prophète leur venait, ils en ont démenti certains, et ils en ont tué d'autres. Pourquoi? Car ils sont venus avec ce que leur âme ne désirait pas, ce qui s'opposait à leur passion. Donc comment après cela peuvent-ils prétendre ne croire qu'en ce qui leur a été révélé? Ceci est totalement faux. Et ceci est démenti par deux choses. La première, comme on a dit, c'est qu'ils ont tué des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas révélé dans la Torah de tuer les prophètes. Au contraire, il y est venu l'obligation de croire en ces prophètes, l'obligation de les suivre et de les prendre pour modèle. La deuxième chose qui dément leur prétention, c'est que la Torah, elle leur a ordonné et enjoint le suivi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces caractéristiques ont été décrites dans la Torah, comme on l'a vu dans un précédent cours. Malgré cela, ils n'ont pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, ils ont prétendu suivre seulement ce qui leur a été révélé en dehors de tout autre que cela, mais en réalité, ils ne suivaient même pas ce qui leur a été révélé. Et ce précepte, comme les autres préceptes, il est encore présent aujourd'hui chez certaines personnes parmi la communauté. En effet, on trouve aujourd'hui dans la communauté des gens qui vont prétendre être les suiveurs d'un imam parmi les imams de l'islam, comme on l'a vu au sujet des suiveurs des quatre écoles. Et il te dit, moi, je ne suis que le madhhab de Abu Hanifa, ou je ne suis que le madhhab de Malik, ou je ne suis que le madhhab de Shafi'i, ou je ne suis le madhhab que de Ahmed, rahimahumullah ta'ala. Puis ensuite tu regardes ses œuvres et la voie sur laquelle il chemine, tu vois que cela s'oppose à la voie de ses imams. Il s'oppose à eux dans de nombreuses affaires religieuses, et parmi elles, la plus importante qui est la croyance. Combien sont ceux qui s'affilient à un imam parmi les imams et s'opposent à lui dans la croyance? Ces imams, ils étaient sur la voie des gens de la sunna et du groupe. Leur croyance, ce n'était ni la croyance maturidite, ni la croyance de Asha'ira, ni la croyance des Mu'tazila, ni autre parmi les croyances déviantes s'opposant à la croyance authentique du Coran et de la Sunna. Donc comment la personne peut-elle prétendre suivre tel ou tel imam, puis ensuite s'opposer à lui dans une question si importante que la croyance? On voit donc qu'elles sont tombées dans la même chose que ce sur quoi étaient les Juifs, qui ont prétendu ne suivre que ce qui leur a été révélé et qui s'y sont en réalité opposés. Et les exemples à ce sujet, ils sont nombreux au sein de la communauté. Nombreux sont ceux qui prétendent ne suivre que tel ou tel savant. Puis lorsque ce savant vient avec une chose qui s'oppose à leur passion, un jugement qui s'oppose à ce que leur âme désire, alors ils le rejettent malgré que ce jugement soit conforme au texte du Coran et de la Sunna. Donc comme on a dit, les prétentions elles ne suffisent pas. Mais il est impératif pour la personne de revenir et de se soumettre réellement au texte du Coran et de la Sunna selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. On reprendra la lecture dans le cours de demain. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur l'islam et sur la sunna, et ce jusqu'au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.